Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Viola Desmond, la Rosa Parks du Canada. C'est vraiment un grand plaisir d'annoncer le femme qui va être sur le nouveau billet canadien de 10 $. Viola Desmond. Le 8 décembre 2016, le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, annonçait que Viola Desmond deviendrait la première femme à figurer sur un billet de banque du Canada. Première femme sur un billet de banque du Canada, évidemment, à l'exception de la reine Élisabeth. Viola Desmond est passée à l'histoire en 1946, alors qu'elle est arrêtée et mise à l'amende pour s'être assise dans une section d'un cinéma de la Nouvelle-Écosse réservé aux Blancs. Son histoire est ensuite tombée dans l'oubli jusqu'à ce qu'on la redécouvre il y a quelques années. Un timbre est imprimé à son effigie en 2012 et une minute du patrimoine lui a été consacrée en 2016. Moi, j'étais seulement venue pour voir un film. Parterre, s'il vous plaît. Je peux pas vendre étiquette pour le parterre à des gens comme vous. Comment ose-t-il? Je pourrais me permettre le billet le plus cher. J'ai ma propre entreprise. Mais ils ont refusé mon argent. On m'a laissé là toute la nuit. De quoi on vous accusait? D'avoir refusé de payer la taxe d'entrée. Mais c'était à cause de ma couleur. Sœur Desmond, défendez-vous et votre communauté va vous appuyer. As-tu idée des conséquences que ça va avoir dans notre vie? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Mon devoir. L'exemple de Viola Desmond a inspiré le mouvement des droits civils en Nouvelle-Écosse. Sa réhabilitation 63 ans plus tard a reconnu l'injustice de sa condamnation. L'histoire de Viola Desmond, succinctement racontée dans cette minute du patrimoine produite en 2016, pour nous parler de l'importance de Viola Desmond dans la marche des Noirs vers l'égalité de leurs droits et pour situer aussi cet incident de 1946 dans son contexte plus large, mon invité Jean-Pierre Le Glonec, qui est professeur au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke. Jean-Pierre Le Glonec, bonjour. Bonjour. Elle s'est donc récemment, Viola Desmond, retrouvée à nouveau dans l'actualité, avec cette nouvelle, on l'entendait au tout début de l'émission, quand on a décidé que ce serait elle, à part la reine Élisabeth, la première femme donc à figurer sur un billet de banque canadien. Je le disais aussi, on l'avait perdu de vue un peu, l'histoire de Viola Desmond. On y revient depuis quoi, 10, 15 ans? Pourquoi? Oui, le début des années 2000. En fait, on avait perdu de vue, je crois, l'histoire afro-canadienne en général, et en particulier l'histoire des afro-canadiens en Nouvelle-Écosse, qui est une terre extrêmement importante dans l'histoire des populations afro-descendantes au Canada. Au début des années 2000, je pense qu'on peut surtout remercier la sœur de Viola Desmond, Wanda Robson. On peut la remercier finalement d'avoir raconté et puis raconté l'histoire de sa sœur et puis d'avoir participer à l'édification du mythe de cette Rosa Parks canadienne que vous avez présentée au tout début de l'émission. Et de quelle manière elle est importante? Quelle importance elle a, Viola Desmond, dans l'histoire du pays? Puis peut-être justement pour cette communauté noire de Nouvelle-Écosse dont vous parliez. Qu'est-ce qu'elle représente? Je crois qu'elle rappelle que l'histoire du Canada appartient totalement à l'histoire des Amériques noires, c'est-à-dire à l'histoire de l'esclavage, l'histoire des discriminations raciales et l'histoire de la ségrégation qui n'appartient pas seulement à l'histoire des États-Unis. Les lois Jim Crow ont existé au sud de la frontière, mais elles ont existé aussi de manière différente au nord de la frontière, en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse, qui est une terre particulièrement importante dans l'histoire afro-canadienne en raison de la migration des loyalistes noirs à la fin du 18e siècle, la migration également de ces marrons jamaïcains qui sont déportés vers la Nouvelle-Écosse à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle. Donc Viola Desmond, qu'il faut d'ailleurs, je crois, voir conjointement avec d'autres militantes des droits civiques en Nouvelle-Écosse et au Canada, ce n'est pas une figure isolée, il ne faut pas la voir comme une figure isolée. C'est une figure de femme en lutte dans les années 1940, qui est à la fois comparable, je crois, à Rosa Parks, mais qui était aussi très différente de Rosa Parks sur bien des aspects. Pourquoi ? Rosa Parks a un passé de militante. C'est une militante des droits civiques dès les années 1930-1940. Elle lutte avec son mari, qui est très impliqué dans la cause des Noirs, alors que Viola Desmond, finalement, lorsque, en 1946, on lui refuse de s'asseoir au parterre du cinéma de New Glasgow, ce n'est pas une militante. C'est une femme d'affaires charismatique qui vient de la petite bourgeoisie d'Halifax. Elle ne pensait pas être destinée, finalement, à représenter la cause des Noirs. C'est un accident, en fait. C'est par accident qu'elle devient devient tout à fait un accident. Ce symbole qu'elle sera. Elle est donc connue, vous le dites, c'est une femme, on l'entend dans la vignette de la Minute du patrimoine, elle dit « j'aurais pu me payer une place facilement ». C'est quelqu'un qui, c'est une femme d'affaires prospère, elle est connue au moment où ça se produit cet incident en 46. Absolument, elle a 32 ans, c'est une femme qui a déjà réussi dans la vie. Elle est à la tête d'une école d'esthéticiennes à Halifax qui forme des cohortes de femmes appelées finalement à ouvrir leur propre salon de beauté en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec. C'est une femme déterminée, une femme élégante qui se promène en Nouvelle-Écosse afin de vendre sa gamme de produits de beauté. Elle porte toujours de magnifiques gants blancs et ce soir-là au cinéma, le 8 novembre 1946, c'est une femme et c'est l'incarnation de la féminité noire d'une certaine manière. Elle demande à être reconnue en tant que noire et en tant que femme d'affaires. Oui. Qu'est-ce qui se passe de fait ce soir-là? Le 8 novembre 1946, Viola Desmond se rend à Sydney, au nord-est de la Nouvelle-Écosse, afin de vendre ses produits. Elle a une gamme de produits de beauté qui porte son nom et sa voiture tombe en panne non loin de New Glasgow. Alors, elle est bloquée à New Glasgow pour la soirée. Le garagiste attend une pièce qui doit arriver d'Halifax et elle décide ce soir-là de faire ce qu'elle fait rarement, c'est-à-dire de prendre du temps pour aller au cinéma et voir son actrice préférée. Elle avait le choix entre deux cinémas, le Roseland et The Academy. Finalement, elle rentre au Roseland et demande une place pour s'asseoir au parterre. La caissière lui tend un billet, mais ce n'est pas un billet pour le parterre, elle lui tend un billet pour le balcon, puisque dans ce cinéma, il y a une règle non écrite, mais une règle comprise par tous les habitants de New Glasgow, noirs et blancs. Les noirs s'assoient au balcon et les blancs au parterre. Oui. Viola Desmond ne connaît pas ces règles. Elle n'est pas originaire de New Glasgow, contrairement à son mari d'ailleurs, qui connaît très très bien ces règles-là. Et elle tente de s'asseoir au parterre, on lui refuse l'accès. Et finalement, elle comprend, en parlant à la caissière, qu'on lui refuse l'accès au parterre, non pas parce qu'elle n'a pas d'argent, mais on lui refuse l'accès au parterre parce qu'elle retourne. Noire. Quand elle dit « je n'ai pas le bon billet », elle retourne voir la caissière pour lui dire « je veux un billet au parterre ». Absolument, elle pense qu'il y a méprise. Ouais. Alors elle va voir la caissière et la caissière lui explique qu'au fond, elle ne peut pas vendre de billets par terre à des gens de sa couleur. D'ailleurs, la caissière ne parle pas de couleur, il n'est jamais question de race. On lui dit tout simplement qu'il n'est pas possible pour elle d'avoir un billet parce qu'elle appartient à un groupe de personnes qui doit s'installer au balcon. À des gens comme vous, à peu près, c'est ce qu'on lui dit. Absolument. Donc, elle s'entête, elle retourne avec son billet, qui n'est pas un billet du parterre, mais elle retourne s'asseoir au parterre. Absolument, elle s'assoit au parterre et très rapidement, le manager du cinéma vient la voir, lui demande de sortir. Elle refuse, bien sûr. Elle joue, enfin c'est une femme élégante, elle ne s'emporte pas, elle entend être respectée en tant qu'être humain, finalement. Et le manager refuse de la laisser au parterre et appelle un policier qui la force à sortir du cinéma. Alors, Viola Desmond est emmenée au poste de police. Elle passe la nuit en prison. Et le lendemain matin, à 9h, de manière expéditive, elle est condamnée à une amende tout à fait disproportionnée. De quoi l'accuse-t-on, de fait, Jean-Pierre Le Glenay? Alors, elle est condamnée à une amende de 26 $ et on l'accuse de fraude fiscale. Donc on ne lui reproche pas d'avoir voulu s'asseoir finalement au parterre, on ne lui reproche pas d'avoir enfreint une loi raciale, puisqu'au fond il n'y avait pas de telle loi de loi raciale au cinéma Roseland, il n'y a pas de loi raciale dans la ville de New Glasgow, et en général il n'y a pas de loi raciale à travers le Canada finalement, qui prévoit que blancs et noirs soient séparés. On lui reproche d'avoir... de s'être assise au parterre et donc de ne pas avoir payé la taxe correspondante au prix d'un billet au parterre. Ouais. Le prix d'un billet au parterre est de 40 cents, le prix d'un billet au balcon est de 30 cents, la taxe au balcon est de 2 cents, de 1 cent, pardon, et, ou 2 cents, je ne me souviens plus exactement, et la taxe au parterre est de 3 cents. Donc il y a une différence d'une cent seulement entre de taxes, entre les billets au parterre et les billets au balcon. Donc on lui demande, on lui reproche, on l'accuse et elle est reconnue coupable d'avoir voulu finalement voler une pièce. Et ça se passe donc, ce procès, de manière, que vous le disiez, expéditive et avec cette aberration, parce que durant le procès, non plus, on ne parlera jamais de la question de la discrimination raciale ou de la couleur de peau, jamais. Absolument, il n'est jamais question de race. On lui reproche tout simplement d'avoir voulu voler une pièce d'une cent à la province de Nouvelle-Écosse. Et ça, c'est très parlant, ça nous en dit beaucoup sur le contexte de l'époque. Vous le disiez, il n'y a pas de loi ségrégationniste qui soit écrite, mais il y a une pratique qui est connue des gens du coin. Mais c'est, donc, c'est d'un racisme c'est de l'hypocrisie, c'est d'un racisme masqué, diffus, dont on parle, ce qui rend la chose encore plus difficile à combattre. Absolument. Parce qu'il n'y a officiellement pas de racisme en Nouvelle-Écosse. Non, absolument. La discrimination et la ségrégation, je l'ai dit tout à l'heure, existent en Nouvelle-Écosse, mais existent également en Ontario et à travers le Canada. Le Ku Klux Klan, que l'on associe généralement aux États-Unis, existe également en Ontario, à Toronto, dans les années 1920. Le Ku Klux Klan à Toronto a environ 10 000 membres. Donc le racisme, la ségrégation, la discrimination existent, mais de manière différente, de manière diffuse, de manière implicite. Les populations afro-canadiennes en Nouvelle-Écosse subissent les discriminations et la ségrégation au quotidien, dans les écoles, dans l'emploi, dans les lieux publics, dans le logement, dans les forces militaires, dans les relations de travail. Ouais. Et c'est en Nouvelle-Écosse et dans la région d'Halifax probablement où ces pratiques ségrégationnistes sont les plus importantes, les plus fortes au pays à ce moment-là, au milieu du 20e siècle. On écoute à ce propos le pasteur William Oliver. Il en parle dans un reportage diffusé à l'émission Le Point en 1984. Je viens d'une communauté où pendant les 24 premières années de ma vie, j'étais le seul enfant de race noire. J'étais davantage une nouveauté qu'une menace. J'ai saisi l'étendue du racisme quand je suis arrivé à Halifax et que j'ai vu les Noirs aux prises avec des problèmes de logement, de chômage. Quand j'ai réalisé que partout dans la province, les Noirs ne pouvaient s'asseoir aux mêmes rangées que les Blancs dans les cinémas. Quelle forme prend, on en a un peu parlé déjà, Jean-Pierre Le Glonec, mais quelle forme prend la discrimination raciale à ce moment-là, au milieu du 20e siècle, en Nouvelle-Écosse, à Halifax? Quelle forme prend ce racisme et quelle importance a ce racisme? J'ai envie d'insister sur deux aspects. D'abord, la ségrégation dans les écoles et aussi une ségrégation urbaine. À Halifax, il y a des quartiers mixtes racialement, d'ailleurs dans lesquels Viola Desmond grandit. Elle va dans une école qui est mixte racialement, mais la population noire qui n'appartient pas à la classe moyenne ou à la petite bourgeoisie habite dans la périphérie de la ville, en particulier dans un quartier devenu célèbre au XXe siècle, le quartier d'Africville, hein, qui est un quartier donc à l'extérieur d'Halifax, un quartier défavorisé où se rassemblent les populations afro-descendantes les plus pauvres. On réserve les terres les moins riches aux populations afro-descendantes à Halifax, on leur réserve les quartiers où il n'y a pas de services publics. J'ai parlé tout à l'heure des écoles. En Nouvelle-Écosse, les écoles sont ségrégées dès la deuxième moitié du XIXe siècle, tout comme en Ontario d'ailleurs. La ségrégation dans les écoles est effective en Nouvelle-Écosse jusqu'au milieu des années 1960. Revenons à notre affaire, à cette histoire de procès, entre autres, parce qu'il y a le premier procès qui est expédié très rapidement. Viola Desmond décide que ça ne se passera pas comme ça. Elle paye l'amende, évidemment, mais elle dit « je vais aller en appel ». Son mari s'oppose au fait qu'elle en appelle. Pourquoi? Viola Desmond, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une femme déterminée. C'est une femme tout à fait fière et fière de son indépendance. Elle veut exister en tant que femme et de toute évidence, elle ne voulait pas exister en tant qu'épouse. Au tout début, hein, lorsqu'elle se marie, elle a seulement 22 ans, son mari lui explique qu'il n'est pas nécessaire qu'elle travaille. Son mari est riche, respecté dans la communauté. Il lui propose tout simplement d'être une épouse fidèle et une épouse respectueuse. Et finalement, Viola Desmond refuse. Hein, elle se lance dans une carrière, elle ouvre une école d'esthéticienne, etc. Elle a un impact, d'ailleurs, petite parenthèse, on ne l'a pas dit, mais sans être militante pour les droits des Noirs, elle est une manière de modèle quand même dans la communauté noire de Nouvelle-Écosse. Absolument, c'est un modèle pour les femmes. Ouais. Et ce n'est pas pour rien qu'elle se lance dans la carrière des salons de beauté, puisque le salon de beauté pour les femmes noires, c'est un lieu d'indépendance, c'est un lieu de pouvoir social et de pouvoir politique, c'est un lieu de sociabilité. Et les femmes noires le comprennent bien, aussi bien aux États-Unis qu'au Canada, dans les années 20 et 30, s'il y a un lieu où les femmes sont maîtres chez elles, c'est le salon de beauté. Ouais. Donc, alors, femme indépendante, femme autonome, qui se fait dire par son mari, s'il te plaît, n'en appelle pas de cette affaire-là. Oui, apparemment, hein, son mari lui a conseillé finalement de s'en remettre à Dieu et d'attendre la terre promise bien plus tard. Hein. Alors, Viola Desmond en décide autrement, elle est soutenue. Elle est soutenue par une partie importante de la communauté afro-descendante d'Halifax. La communauté est divisée, hein, bien sûr, parce que c'est une mauvaise publicité pour la communauté noire d'Halifax. Une femme qui travaille, une femme qui conduit, une femme qui possède une voiture, une femme qui refuse de respecter la loi d'un cinéma de province de New Glasgow, c'est une mauvaise publicité pour une partie de la communauté noire qui craint peut-être des représailles. Ouais. Elle est soutenue par William Oliver, le pasteur baptiste de la communauté. Elle est soutenue par la femme de William Oliver, Pearline Oliver, qui est une militante des droits civiques. Elle est soutenue par une autre grande militante afro-canadienne de la région de New Glasgow, Carrie Best, qui est la fondatrice du journal noir de Clarion. Donc, elle est soutenue par un groupe d'hommes et de femmes qui essaie depuis des années déjà de lutter contre ce racisme diffus, ce racisme invisible dont vous parliez tout à l'heure. Ouais. Carrie Best, d'ailleurs, grande militante des droits civiques, avait été arrêtée quelques années auparavant l'événement de Viola Desmond dans le même cinéma. Dans le même cinéma. Dans le même cinéma. Elle le faisait consciemment, elle contestait cette ségrégation dans les lieux publics et dans les lieux de plaisir en particulier. Donc cette affaire-là va avoir un impact parce que justement Carrie Best est à la tête de ce journal. Ce journal de Clarion va suivre l'affaire Viola Desmond. Mais autrement, est-ce qu'on en parlera? Est-ce que ça aura un impact l'affaire Viola Desmond au moment où ça se produit? On en parle beaucoup. On en parle dans The Clarion. Comment Viola Desmond est à la première page du journal. On en parle beaucoup dans la communauté noire et on en parle également dans la communauté d'Halifax. On n'en parle pas si longtemps que ça finalement puisque l'avocat qui est choisi par Viola Desmond a beaucoup de difficultés à contester la décision qui a été prise en première instance et assez vite finalement la Cour suprême de Nouvelle-Écosse refuse de revenir sur la décision qui a été prise par le magistrat de New Glasgow. Et donc assez vite on oublie cette histoire et il est assez difficile de mesurer l'impact réel sur les modifications importantes qui sont apportées ensuite aux relations raciales en Nouvelle-Écosse dans les années 1950-1960. Parce qu'au fond, la fin de la ségrégation raciale en Nouvelle-Écosse dans les années 50 et 60, dans l'emploi, dans le logement, dans les écoles, ce sont des mesures qui sont prises ailleurs, en Alberta, en Ontario, exactement à la même période. Ouais. Donc il est difficile de mesurer l'impact finalement de cet acte de résistance de Viola Desmond, acte improvisé, acte politique naturellement. Mais de toute évidence, Viola Desmond ne se définissait pas comme une militante. Elle se définissait d'abord et avant tout comme une femme respectable, comme une femme d'affaires indépendante. Raison pour laquelle, finalement, après 1946, elle n'est pas devenue ce que Rosa Parks est restée. Elle, ouais. Elle n'est pas devenue une figure militante qui est montée aux barricades. Qu'est-ce qu'elle devient, de fait, après cette affaire-là? On ne sait pas trop ce qu'elle devient. Ce qui est certain, c'est qu'elle liquide, quelques temps après, son entreprise, elle ferme son école, elle se sépare de son mari, qui lui avait recommandé de s'en remettre à Dieu. Elle déménage à Montréal et plus tard à New York, où elle meurt isolée en 1965. Donc c'est une figure, finalement, dont les dernières années de la vie restent à écrire. Ouais. Que regrettait-elle son geste? Comment a-t-elle représenté? Comment s'est-elle représenté son acte de résistance? Est-ce qu'elle a écrit? Est-ce qu'elle a des traces de ce qu'elle pense, de ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a témoigné de ça ou pas? À ma connaissance, non. Ouais. Mais je crois qu'encore une fois, je le répète, les sources existent. Les sources, il y a toute une histoire orale à faire avec la sœur de Viola Desmond. Ouais. Peut-être qu'il y aurait aussi une histoire orale à faire avec les descendants de son mari. On ne sait pas trop finalement comment Viola Desmond a vécu les années qui ont suivi cet acte de résistance dans le cinéma de New Glasgow. En 2010, en tout cas, la suite, avec le retour d'intérêt, le regain d'intérêt pour l'affaire Viola Desmond, il y aura un geste officiel de poser, un geste important. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse va offrir ses excuses à Viola Desmond. On écoute un extrait de cette cérémonie qui a lieu en avril 2010. Vous allez y entendre le ministre des Affaires afro-néo-écossaises à l'époque, Percy Parris, suivi du premier ministre de la Nouvelle-Écosse à l'époque, Daryl Dexter. Viola Desmond is often referred to as Canada's Rosa Parks. On surnomme souvent Viola Desmond la Rosa Parks du Canada. Les deux femmes ont été des symboles de défiance et de non-conformité au sein de leur communauté. Elles se sont tenues debout devant l'injustice et la discrimination. Et les deux femmes ont été arrêtées et accusées de crimes dont seuls les Afro-descendants pouvaient être condamnés à cette époque. That crimes that only those of African descent were subject to at that time. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse reconnaît que le traitement réservé à Viola Desmond était une injustice. Cette injustice a eu un effet non seulement sur la vie de Mme Desmond et de sa famille, mais aussi sur tous les citoyens d'origine africaine de la Nouvelle-Écosse et pour tous les néo-écossais qui trouvaient, et trouvent toujours, que cet événement de notre histoire est insultant et intolérable. Au nom de la province de la Nouvelle-Écosse, je vous présente mes excuses. On behalf of the province of Nova Scotia, I am sorry. Qu'est-ce qui conduit Jean-Pierre Le Glonec, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, à faire ses excuses en 2010? D'abord, la lutte qui est menée par sa sœur Wanda Robson au début des années 2000. Wanda Robson, lorsqu'elle a 73 ans, décide de retourner à l'école. En fait, elle décide d'obtenir un diplôme universitaire, ce qu'elle n'avait pas pu faire plus tôt, puisqu'elle était mère de famille, elle avait de nombreux enfants. Et donc, Wanda Robson a décidé, un peu par hasard, finalement, de s'inscrire à un cours à l'Université du Cap-Breton. Et lors de ce cours donné par un grand, par le spécialiste, finalement, néo-écossais de Viola Desmond, eh bien, elle voit à l'écran le visage de sa sœur. Et elle se rend compte finalement que son histoire familiale est aussi une histoire, bien sûr, néo-écossaise, mais c'est une histoire canadienne. Ouais. C'est l'histoire, je le répète, des Afro-Canadiens qui n'est pas une histoire marginale. C'est encore une histoire marginalisée dans l'historiographie. Il faut absolument écrire l'histoire afro-canadienne de manière beaucoup plus rigoureuse, de manière beaucoup plus profonde. Et finalement, Wanda Robson se donne un peu comme mission à 73 ans, d'abord d'accomplir un diplôme universitaire, et puis aussi de raconter l'histoire de sa sœur. C'est assez extraordinaire que ce soit, elle, c'est sa sœur, mais c'est en retournant sur les bancs d'école à l'université avec une espèce de recul que tout à coup elle réalise l'importance qu'a eu cet épisode dans la vie de sa sœur. Absolument, parce qu'à l'époque, Wanda Robson est très jeune et elle a 19 ans et à l'époque, elle le dit d'ailleurs, elle ne soutient pas nécessairement la lutte de sa sœur, la lutte légale de sa sœur. Elle se demande finalement si sa sœur fait le bon choix en acceptant de devenir un personnage public, alors que sa carrière d'entrepreneur supposerait plutôt qu'elle reste discrète. Ouais. Et donc, je me demande là s'il n'y a pas une certaine division familiale en 1946. Et avec le temps, évidemment, cette division familiale a disparu. Et au début des années 2000, la sœur de Wanda Robson est une figure mythique, une figure d'héroïne, un petit peu à la Rosa Parks. Pourquoi c'est important, puis on termine là-dessus, ce geste? Ses excuses en 2010 du gouvernement de la Nouvelle-Écosse. C'est important parce que ce n'est pas juste un geste de pardon. On pardonne Viola Desmond, bien sûr, mais c'est un pardon inconditionnel. Et on reconnaît qu'elle n'a jamais rien fait de mal. Finalement, elle a tout simplement fait en sorte d'être reconnue comme une femme libre, une femme de Nouvelle-Écosse comme les autres. Mais je pense qu'il faut voir, quand il faut remettre en contexte ce pardon posthume inconditionnel en 2010, c'est un pardon qui est entouré par d'autres formes de pardon qui sont prononcées un peu partout dans les Amériques noires. Les autorités, qu'elles se trouvent en Nouvelle-Écosse, en Virginie, en Caroline du Sud ou encore au Brésil, reconnaissent que l'histoire des Amériques noires est une histoire violente, est une histoire souffrante, et lorsqu'il y a souffrance, il faut qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait compassion, il faut qu'il y ait écoute et ouverture. L'histoire canadienne, finalement, s'ouvre en 2010 à l'Afro-Canada. Jean-Pierre Le Glonec, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke, merci infiniment de votre participation à l'émission. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.